Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ne fais pas comme ceci, moi je fais comme cela, c'est ma manière à moi. Moi je dis comme cela, mais on dit comme ceci, et c'est plus juste ainsi. Ne va pas par ici, moi je vais par là, passe ou passera pas. Selon moi c'est par là, selon nous c'est pas ça, et bien vas-y sans moi. Mon amour, la vie à deux, tu vois, c'est pas si simple, du moins ce que l'on croit, du moins ce que l'on croit. Ne mate pas celle-ci, mais je matais celle-là, et c'est moins grave, tu crois. Fais-moi un bisou là, suis-moi, on va au lit, tu ne penses qu'à ça. Si on partait là-bas, rien que nous, you and me, je veux rester ici. Je t'aime moi aussi, une chanson tralali, une chanson tralala. Oh mon amour, la vie à deux, tu vois, c'est pas si simple, du moins ce que l'on croit. Oh mon amour, coussi, coussa, coussi, coussa, à deux toujours. C'est bien mieux que sans toi, c'est bien mieux que sans toi. Solo. Oui, oh. Germaine, on est. Nous sommes en ordre, OK. Monsieur le Président, oui. Monsieur le Président, le. Oui, je sais. Je m'excuse. Je m'excuse infiniment du chaos radiophonique que j'ai causé en début d'émission. Oui. Je me pardonne. Je me louange. Je me donne la bénédiction paternelle et fraternelle et sur elle. Sur elle. Oh, sur elle. Fais pas si cool. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques et cathodiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes, êtes-vous encore, madame, vous êtes le témoin chantant de. Oui. Oui. C'est la dixième prise. Tu c'est. Veux, tu oh, peux ouais. T'entendre avec l'autre. Vous avez raison. Hey, on vient de commencer l'émission puis je pleure déjà. OK. On prend ça en note, monsieur. C'est aussi proche que ça, là, la vérité. La vérité, ça ne se ment pas. La vérité, ça se dit maintenant. M. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, le court-circuiteur de réalité, de réalisme. Rénald Le Néant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagé! Monsieur Tripodo. Que si tu te trempes la tête dans l'eau, tu verras que des bulles. Mais comme tous les polissons, les méchants fanfarons, il a voulu voir le désespoir jusqu'au bord de l'angoisse. Et c'est ainsi, pourquoi tu ris? Ben parce que j'ai fait une grimace. Oui, mais à la radio, ça s'entend pas. Ben oui, mais ça se voit à la télé. Mais t'es pas à la télé. Non, je suis sur... Non, je suis pas à la télé, c'est vrai, je suis pas à la télé. Je suis juste sur 2500 vidéos sur YouTube. C'est quoi ça, YouTube? Oui, écoute, en 1929, YouTube, ça existait pas. En 1945, YouTube, ça existait pas. En 1967, YouTube, ça n'existait pas. En 1987, YouTube, ça n'existait pas. En 1999, YouTube, ben, ça existait. Aujourd'hui, le vendredi 9 mars 2012, l'errance, c'est quand même une belle confrontation avec la réalité. Amène-moi le verre de la réalité, moi, je veux la confronter. J'ai été champion de boxe en 1998 avec le grand Rurt. Qui? Rurt. C'est qui? Rurt. Je le connais pas. Rurt. Ben non, arrêtez de le dire, là. Ça dit rien à personne, ce gars-là, là. Ben, quoi, c'est un lutteur, c'est un boxeur. Oh. Alors, les boxeurs sont pas... Non, sont pas. J'ai mal aux oreilles, moi. J'ai mal à la tête. On dirait que je passerai pas le... Je passerai pas le cap. Le cap de quoi? Le cap diamant. Oh! Le cap diamant, c'est comme le rond. Pardon. Alors, le vendredi 9 mars 2012, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Je dois être sage pour Chloé. Car c'est elle que nous consacrons pendant deux émissions notre chantier à peine terminé. Il y a quelques clous par terre, là, mais pas les pieds là-dessus, ma Chloé, sinon je me sentirais un peu investigateur de tes blessures. Et comme le petit Jésus, je ne veux pas que tu te blesses les pieds. Comme le petit Jésus, je voudrais que tu restes chaste et pur. Oh, hein, comment? Oui. Comme le petit, Chloé est chaste et pur. Comme le petit, oui. Ben oui. Pourquoi, Mme Tremblay, vous me faites des grands signes de clin d'œil, là? C'est pas des signes de clin d'œil, c'est des... Arrête-moi ça! OK. Pourquoi vous êtes placé derrière, devant le micro? Parce que derrière, on m'entend pas. Oui, c'est mieux de même. C'est moi l'animateur, c'est moi qui correspond au son de l'errance rénaldienne. Oh, mon Dieu! C'est pour ça, pendant deux heures, nos spectateurs, nos auditeurs tentent de s'intoniser. Oh! Est-ce qu'ils prennent? Ah, ils prennent d'autres chaînes que la tienne. Oh, mon dos. La chaîne. Ben, la chaîne, la chasse. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'auteur, compositrice et interprète Chloé Lhomme. Chloé Lhomme, une inconnue des chansons, des productions, des textes. Hey, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, je reprends. OK, reprends. On te laisse deux chances. C'est ma deuxième. C'est ta dernière. OK. Chloé Monde. Qui? Chloé Lhomme. OK. Une inconnue. Une inconnue des chansons, des productions, des textes, des idées et des projets dont vous ignorez l'existence. Et pourtant, vous êtes là avec nous à cet instant précis où vous parcourez sa présence pour que les objets prennent corps, pour que la musique, les mots, les idées résonnent. Écoutez cet artiste sur Errance Rénaldienne à CKRL, car en juillet dernier, nous la rencontrions. Rencontrions. Rirons, rirons qui rira le dernier. Mais s'il y en a trois qui rient, qui sera le premier? Moi, je dis, il y a Tipus, Timous et Limous. Oui, les mousses vont rire avant. OK. Alors, ça ramassera pas la mousse? Non, ça va les rire. Oh, mon Dieu. Pour vous et nous, pour laisser émaner une douce lueur poétique. OK, là, les gens ont perdu la... Oui, OK. Alors, je recommence. Chloé Lhomme. Une inconnue? Une inconnue des chansons, des productions, des textes, des idées et des projets dont vous ignoriez l'existence. Et pourtant, vous êtes là avec nous, à cet instant précis, et vous parcourez sa présence pour que les projets prennent corps, pour que la musique, les mots, les idées résonnent. Écoutez cet artiste sur Errance Rénaldienne à CKRL. Car en juillet dernier, nous étions là pour vous, pour nous, pour laisser émaner une douce lueur poétique. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Il faut s'arrêter ici pour vous la présenter. Chloé Lhomme. Maintenant, à Errance Rénaldienne. Hey, c'est beau! On dirait que c'est du professionnalisme. Exagère pas, là. Exagère pas, exagère pas. Je parle de toi à tout le monde. Leur demande s'ils te connaissent. Et s'il y en a qui te connaissent. Je leur demande de me parler. Je parle de toi, je parle de toi, je parle de toi à tout le monde, Chloé. Tout le monde me parle de toi. Je parle de toi à tout le monde, Chloé. Car je suis amoureux de toi. Si un jour je ne parlais plus de toi, cette chanson le fera pour moi. Tu l'écouteras quand tu voudras que je parle de toi. Je parle de toi à tout le monde, Chloé. Tout le monde me parle de toi. Je parle de toi à tout le monde, Chloé. Car je suis amoureux de toi. Viens, je t'ai ramené un cadeau. Oh là là, mais l'enfer, quoi. J'ai choisi le support collecteur livre parce que j'ai vu que tu aimais bien les mots. Oui. Alors du coup... Oh merci, je vais mettre ça dans ma section livre. Tu me dis quand t'es prête, mais on se lance. On va peut-être attendre 30 secondes, donc il y a un petit peu moins de... Ça va, si t'es pas trop pressé. Non, c'est ma dernière entrevue. Ah bah ça va alors, on est cool. J'ai osé peut-être pas en temps, c'est pour ça qu'il y a eu un décalage. Ah mais il n'y a pas de... C'est cool. Je savais que c'était toi. Donc je faisais un peu d'anxiété. Ah, mais non, mais je suis comme ça, moi, c'est naturel en moi, l'anxiété. C'est vrai? Ouais, le stress, oui. Off! Mais toi, non, t'as l'air zen. C'est plus compliqué que ça, à mon avis. Okay. Non, je suis assez anxieuse aussi, mais exigeante, on va dire. Exigeante. Toi, t'as envie d'être vraiment. Ouais. Okay. Du coup, ça provoque de l'anxiété, mais fondamentalement, je suis pas angoissée, quoi, on va dire. Ben, en fait, ça provoque quand les autres sont pas compétents, c'est ça? Ouais. Quand il y a des compétences. Exact. Ouais, c'est ça. Oui. C'est pas grave. C'était un verre de rosé. T'es toujours d'ailleurs. Ouais, elle te confondait avec une autre personne? J'en sais rien, non, elle m'a oublié, c'est tout. Oh, okay. Tu vas passer inaperçu un peu. Ah. Puis ton spectacle, est-ce que ça s'est bien passé? Super, c'était super. Mais c'est loin de Paris, c'est un... Mais non, c'est dans Paris. Oui, mais avec le métro, c'est quoi, une heure? Non, c'est pas très loin, tu sais. Enfin, c'est un tout petit peu excentré, ouais. Oui. Mais c'est une belle salle. Ben, Noir Désir a fait ses preuves-là. Il y a plein de gens Qui ont commencé là-bas. Ouais. C'est vraiment sympa, c'est un espèce de bateau. Tu tu sais, t'as que du bois, des trucs, c'est un peu, on dirait une ambiance de pirate, c'est excellent. Alice, là, en passant, t'as les yeux bleus, c'est Alice, là. Ouais. Alice, là. Bon, en tout cas, c'est de la radio, on peut pas voir, là, mais c'est merveilleux. Eh bien, bonjour, Chloé. Ben, bonjour. Ça va bien? Bien, super. Eh bien, bienvenue à mon émission Laurence Reynaldine, qui est diffusée le vendredi soir. Je suis très heureux de te consacrer quelques jours, quelques mois. Mais c'est pas grave, ça capte pas trop les sons ambiants, faites aux enfants. Et tu fais de la chanson à texte? Oui. Et c'est toi qui compose? C'est moi qui compose, oui. Qu'est-ce qui t'a amené à ce travail-là, à cette vision-là de vouloir faire de la chanson, de vouloir te consacrer à la musique? Parce que j'ai vu des vidéos, je t'ai entendu sur une radio, je sais pas si c'est libre, avec Philippe Risoli, t'as dû entendre. Ça, ouais. 10 minutes d'entretien, c'était merveilleux. C'est vrai, t'as trouvé ça bien? J'ai trouvé ça très bien et je trouve que tu es une nouvelle génération de la chanson française. C'est pas du rock, c'est pas du tout du rock. C'est de la chanson à texte, comme Gréco l'a fait, comme... Un petit peu, effectivement, je crois que c'est à l'ancienne, entre guillemets. Pourtant, il y a plein de modernité parce que j'utilise des samples, des boucles, des choses un petit peu électroniques. Mais en même temps, c'est vrai que souvent, quand les gens entendent pour la première fois, ça leur rappelle plutôt la chanson des années 50, 60, 70 que la chanson Nouvelle Vague, nouvelle scène française d'aujourd'hui. Comme qui dans les années 50, 60, 70 en toute humilité, parce que ça me fait rougir de dire ça, je ne suis pas du tout à leur niveau. Mais plutôt une manière de dire les textes et de les chanter comme pouvait le faire Ferré... Brel, Brassens, tous ces gens-là sont très différents, mais il y avait une forme de poésie et en même temps de chansons très populaires, une espèce de mix entre quelque chose d'assez intellectuel, mais malgré tout quelque chose de populaire. It's raining and it's pouring on the... Hier soir, j'étais dans un party. Pour faire mon tof, j'ai calé trois verres de cognac. Le troisième dit aux deux autres de remonter. J'avais l'air d'un érable avec ma chaudière dans le cou. Mais pourquoi donc que je bois autant? Sais-tu pour oublier que je bois autant? Faut pas mélanger du rouge pis du blanc. Ma mère m'a toujours dit de séparer mes brassées. Moi je bois juste pendant le temps des fêtes. Mais comme je sais pas c'est quand, ben je prends pas de chance. L'autre jour j'ai pris mon char même si j'étais sous. Mais j'aime mieux prendre mon petit neveu, il est moins pesant. Faut prendre le volant quand on est sous. Mais c'est dur de conduire juste avec les pédales. Si tu te fais pogner dans un barrage, ben sors ton bat de baseball pis fesse les castors. Mais pourquoi donc que je bois mes fonds? Même quand y a deux, trois botches qui flottent dedans, c'est sûr que ça, ben ça me sauve du temps. Je peux fumer, boire pis vomir en même temps. Maudite boisson. Unissons là maintenant la voix à Charles Bukowski. Là, ici maintenant, attribuons la place à mon ami. Lequel? Je l'ai nommé. Oh, Charles Bukowski. Voilà. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil. Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck, dit-il en déposant son texte juste ici, parce que sinon il va le chercher. Pourquoi tu vas chercher ton texte? Ici, là, heureusement que c'est zoomé juste sur mon visage. Si vous me regardez sur YouTube, sur mon site officiel des Errances Rénaldiennes, vous pouvez le capter en allant sur goggle.fr. Vous entrez Errances Rénaldiennes et le premier Errance, c'est moi. C'est le site du derrière de l'errance, tout ce qui se passe pendant l'émission. Et là, maintenant, vous me voyez. Vous m'entendez aussi, vous n'êtes pas chanceux, là. Vous avez les deux en même temps. Là. Oh mon Dieu Seigneur. Alors, la première phrase, c'est Louis était au Red Peak Park, Peak Pack, Poo, Pee, Po, Paper. Louis était au Red Park et il avait la gueule de bois. Ben, j'avais dit la semaine prochaine. Non, c'est. Tu y as dit la semaine prochaine? Oui, j'ai dit même la semaine dernière. OK, c'est pas prochaine. Non, c'est dernière. La prochaine fois, ce sera terminé parce que ça sera plus mon copain. Oh. Plus mon ami. Oh. Plus mon confident. Oh. Plus mon frère. Oh. J'ai dit arrête d'avoir la gueule de bois et la gueule de plastique. C'est vrai, ça. Parce que le bois, ça pourrit. Le plastique, ben, ça sourit. Hein? C'est toujours facile à laver. Le bois, ça boit tout. Tu mets du vernis, ça va boire le vernis. Tu mets de l'eau, ça va boire l'eau, puis là, ça va gonfler, puis ça va devenir comme un espèce de substance étrange. Et les gens vont crier. Ils vont avoir peur. Ah, ils risquent de voir l'exorciste. Pas le film. Le film épouvantable qu'on a vu et revu au ralenti et surtout Samson. Samson et Goliath? Non, Samson. Samson et Goliath. Je la comprends pas. Non, mais sans le son. Sans le son, oui. Sans Goliath aussi? Oh, sans le son et sans Goliath. C'est qui ce Goliath? C'est le frère de Germaine. Ah, mais c'est pas lui avec les cheveux noirs? Oui. Gras? Oui. Frisé? Oui. Pas un politicien? Oui. On le nomme pas. Ben, Goliath. Goliath, oh mon Dieu. Ça, c'est son surnom? Oui. Son vrai nom, c'est? C'est Jean. Oh mon Dieu, Jean Goliath. Non, Jean cherchait quelque chose et je trouverai point le mot qui voudra me venir à l'idée. Trop d'idées, là. C'est le flou de l'existence. Hey, c'est bien ça. Vous avez trouvé ça tout seul? Ben, c'est mon ami Raymond, là. Ouais. Mon ami. C'est, attendez, là. J'ai dit, c'était. Ouais, mais enfin, c'était. C'est toujours mon ami Raymond. Ouais. Qui est toute douce. Bonjour, Raymond. Ouais. Ben, pas douce, elle est forte, elle est très forte. Ouais, ben là, c'est parce que tu l'as mis à 350, là. Si tu. Excuse-moi, j'avais un gorgoton rempli de résurgence. Ah, oh, mon Dieu. Ça, ça plaît au public de savoir ça? Ben, j'ai dû avaler un trop-plein de vie. Oh, mon Dieu. Un trop-plein de divulgation. Oh! Parce qu'ici, hein, on doit dire les vraies choses. Ah, c'est vrai. On ne doit pas mentir. Oh! Qui sait mentir? Ce cuit à point. Oh, mon Dieu. Et les circuits ne sont point prêts à recevoir autant de vérité. Oh, mon Dieu. La vérité, où est-elle? Elle est partouze. Ah! On aime ça, les partouzes. Oui, oui, oui. Ben, pourquoi? Ben, parce qu'elles sont remplies. oui. Mais là, Bukowski, là, cherchait quoi? Il cherchait le titre. C'est « Je t'aime, Albert ». Oh, est-ce que c'est comme la chanson de Félix Boisclair? Sors-moi donc, Albert, amène-moi voir des choses, sors-moi des enfants. c'est vrai que bah, forcément, je rougis quand on peut comparer ce projet. On dit souvent, si on va voir des sites, là, on te compare à la chanson française. Traditionnelle, vraiment, de cette époque-là, oui. Et ça me plaît. Fondamentalement, ça me plaît. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à la chanson? Tu as une formation de musicienne? Alors effectivement, j'ai une formation de musicienne parce que j'ai fait le conservatoire quand j'étais petite, vraiment entre 5 ans et 13-14 ans, donc c'est des vieux souvenirs. Non, à Nancy, je suis de Lorraine, moi je suis de l'Est. Okay. Ouais. Et effectivement, j'ai des souvenirs, mais c'est plus une impression qui m'a... Je suis plus capable d'écrire réellement une partition aujourd'hui, où j'ai plus, techniquement je suis plus au niveau, mais... Ça m'a quand même permis d'apprendre la musique en même temps que j'ai appris à écrire le français, tu vois, ou à lire, quoi. Et je crois que ça y est pas pour rien, quoi. Mais j'ai surtout gardé l'oreille et l'amour des arrangements, des orchestrations, des trucs comme ça. Et c'est toi qui t'en occupes, des orchestrations? Ouais, c'est moi qui m'en occupe. C'est vraiment ce que j'adore faire. Les arrangements, les trucs comme ça. Donc, et honnêtement, la chanson... J'ai passé des années à me dire, bon, j'ai bourlingué à gauche, à droite, j'ai fait des boulots qui n'ont strictement rien à voir avec la musique. Et à un moment donné... Pardon? Encore aujourd'hui, si tu te consacres à la chanson? Je me consacre quasiment à 100% du temps, mais je reste toujours ouverte à tout un tas d'autres projets. Je ne suis pas omnubilée par ça, tu vois. C'est pas, je ne vais pas mourir si je ne fais pas ça. C'est un pur plaisir. Et un choix, pas une nécessité. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vis. Et je cherchais des artistes en tant que compositeur au départ, avec lesquels collaborer, tu vois, pour lesquels écrire des chansons, composer des chansons. Et puis j'avais énormément de mal à trouver. Et c'est rigolo comme ambiance. Quoi, c'est très urbain. Voilà, vous êtes à Paris, c'est l'enfer. Voilà, c'est cool. On aime ça comme ça. Et en fait, j'ai pas trouvé. J'arrivais pas à trouver des gens avec lesquels collaborer pour diverses raisons. Et un jour, je bidouillais un peu avec mon studio perso, tu sais, j'avais de quoi enregistrer, etc. Du coup, j'ai fait des essais moi-même. J'ai chantonné des trucs, j'ai écrit quelques trucs. Et puis finalement, je me suis prise à mon propre jeu et je me suis dit, bah fais-le toute seule, va jusqu'au bout toute seule. Et j'ai continué. Non, mais dans tout, là, dans la composition, ouais, dans l'arrangement. Dans l'arrangement, dans toutes les maquettes. Et après, dans un second temps, je suis passée en studio pour enregistrer des musiciens professionnels qui jouaient les partitions que j'avais écrites. Entre et tu présentais ça aux musiciens, l'arrangement que tu avais fait. Voilà, maison. Exactement. Okay. Ouais. Et comment tu faisais pour aller chercher tes musiciens? Est-ce que c'est des gens que tu connaissais? Ou non, c'est pas des gens que je connaissais, c'est des gens que j'ai trouvés. À l'époque, MySpace était encore vivant, hein, tu vois. Et c'était pas longtemps, il y a quoi, 3 ans? Oh, ouais. Et je regardais un peu, j'ai essayé de me faire tout un réseau de gens de musiciens professionnels. Puis au fur et à mesure, merci, j'ai trouvé des gens qui collaient vraiment bien au projet. Mélange entre oriental, flamenco, l'Europe du Sud et en même temps tout un tas de musiciens différents qui avaient la couleur que je voulais donner. Et ça s'est très bien passé humainement, c'est des gens géniaux qui m'ont fait confiance, qui me suivent sur scène et que je remercie d'ailleurs au passage, parce que c'est super important. Et c'est des gens qui t'entourent pour faire ce que tu crois le plus, mettre en musique les écrits que tu... Voilà, ça c'était pour la partie enregistrement studio. Et maintenant, sur scène, c'est des gens qui m'accompagnent, qui donnent de même. C'est pas tout à fait les mêmes, mais il y en a qui sont les mêmes, et puis d'autres qui se sont greffés en fonction des disponibilités aussi des gens. Je suis facile. c'est bien, mais tellement bien. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. Ah, je m'en souviendrai longtemps, ce fut un sacré bon moment. On allait dîner tranquillement, sans dévorer le petit écran, sans se parter la chemise de nouilles, en regardant causer ses andouilles. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. On allait louper à coup sûr les attentats, tous les coups durs. Tout ce qui dégringole à la ronde sur la calebasse du pauvre monde et tout le cortège des abusés, des mecs qui sont toujours baisés. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. Sur le coup, mes parents pris de court voulaient appeler police secours. Ils se sont rués sur le palier et le moral salement cisaillé. Prenant leur courage à deux mains, ils ont parlé à leurs voisins. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. Dans les étages de haut en bas, c'était partout le même tabac. C'était la panique dans la strasse, ils trouvaient ça tous dégueulasse. Qu'un gouvernement libéral puisse tolérer un tel scandale. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. On les a tous amenés chez nous, moi j'ai décroché mon bignou. Papa prit son accordéon, le voisin du dessous son violon. On a fait un bœuf du tonnerre, un truc qui vous fout le cul par terre. Pour finir la nuit, messieurs, dames, Cupidon se mêlant au programme. Incroyablement pour maman, son époux redevint son amant. Et quand mon vieux lui a dit je t'aime, ce fut comme un second baptême. Elle avait les calots brillants, un coup de grisou dans le palpitant. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. Pourtant, grâce à ce jour funeste, on a monté un chouette orchestre. Nous vendîmes nos téléopus, on vit maintenant de nos chorus. Et ça nous fait bien rigoler, demain on passe à la télé. We'll be right back. t'as quand même bouché une surface, hein. Ah, c'est moi qui démarre, là, oui. Je vais me laisser aller ce soir, mes chers amis. Je vais vous déballer mes petites nostalgies. Quand Jeanne la Lorraine était pas dans Playboy et les quatre filles du roi à Cocorico Boy. À quelle époque on vit, on se demande un peu ce que fout le bon Dieu. Nos belles n'ont que faire des dames du temps jadis, ni de ces jolies bergères qui avaient pas le moindre vice. Elles quittent leur province avec Africa Tour pour éponger les princes à un bâton par jour. À quelle époque on vit, on se demande un peu ce que fout le bon Dieu. Nous n'irons plus au bois, les travelots sont coupés, ils ont chopé le sida, ils sont à la pitié. La mère grand du chaperon a fini au fast-food et les trois capitaines sur une mine à Beyrouth. À quelle époque on vit, on se demande un peu ce que fout le bon Dieu. La belle au bois dormant, compris pour une feignante, elle vend des ouragans le soir au top 50. Barbe bleue sur la une, fait brûler ses bifetons. Cendrillon bourde thune, sa valise en carton. À quelle époque on vit, on se demande un peu ce que fout le bon Dieu. La lampe d'Aladin a incendié Kaboul, et l'enchanteur Merlin nous vend ses cages à poules. Et la merloi qui nous prend tous pour des malades nous conseille de nous tremper le cul dans l'eau froide. À quelle époque on vit, on se demande un peu ce que fout le bon Dieu. La femme de Neptune a rencontré Ulysse, et au clair de la lune, ils font sauter Greenpeace. Ils dirent au procureur qu'on leur promit du blé chez les 40 voleurs qui siègent à l'Assemblée. À quelle époque on vit, on se demande un peu. Nos reines de Saint-Tropez qui sniffent la cocaïne, quand elles rentrent la monnaie, se font faire des liftings. Aujourd'hui c'est normal, quand on veut des joues plates, on vous remonte le trou de balle entre les omoplates. À quelle époque on vit, on se demande un peu ce que fout le bon Dieu. Dans la perfide Albion commande Pénélope, à toutes les deux elles font une belle paire de salopes. Elles partirent aux Malouines en culotte de satin pour refiler la ch'touille aux braves Argentins. À quelle époque on vit, on se demande un peu ce que fout le bon Dieu. À coups d'accordéon, de musique et d'argot, je m'en vais faire alliance avec le roi Renaud pour goûter les rosbifs et même les amerlocs qui arrêtent pas de nous gonfler avec leur putain de rock. À quelle époque on vit, on se demande un peu ce que fout le bon Dieu. Germaine! Germaine, Claude l'éveillé nous a cassé une vitre! Ben voyons! Ben oui! Regarde-moi ça, là! Ben non, c'est en bois! Ben oui, une vitre en bois! Là, tu veux accuser M. l'éveillé d'avoir brisé une vitre en bois? Depuis quand les vitres sont en bois, toi, là, là? Ben, qu'est-ce que tu connais dans les vitres? Ben, je connais! J'en connais pas grand... Non, je connais pas grand-chose là-dedans, là. Mais j'ai jamais suivi de cours dans la vitrerie, oui. Ni dans les verres. Oh, quoique... Ouais, quoi... vous êtes pas gentil, vous, là. Non, quoique les verres... Les verres, oui. J'en vois pas assez depuis tout à l'heure. Oui, c'est Mme Bergeron. Hey, je suis toujours... passer à côté de ce prénom-là pour pas... Ben oui, tu le diras pas maintenant, là. OK, merci. Alors, c'est vrai, on voit passer des vers et ils ne sont pas de terre. Non, madame. Non, monsieur. Non, mademoiselle. Elles sont de sources intraterrestres. Ben alors, elles sont de terre. Oui, de près du noyau. Aïe, aïe, aïe. Monsieur? Vous êtes encore en onde? C'est un longue distance, hein? Est-ce que c'est long, les distances avec vous, monsieur, hein? Mais c'est normal, mais vous êtes patient, bravo. Continuez à nous écouter, continuez à rester là. On va vous reparler plus tard durant l'émission parce que vous devez nous divulguer votre adresse parce que vous nous invitez, n'est-ce pas? Bon, hey, c'est le fun, c'est plaisant, ça. C'est vraiment intéressant de savoir que des auditeurs sont ouverts et surtout la porte également pour nous accueillir. Bon, vas-y, c'est le temps. Le temps d'une chanson, le temps de dire je t'aime, le temps d'une chanson. Et ben, arrête de me faire rire. Oui, alors l'atelier d'improvisation, il n'y a pas d'introduction, oui, mais on ne l'a pas placé. Ah, c'est plaisant, mais je vais vous raconter un peu ce qui va se passer dans les quelques minutes ou peut-être même quelques heures. Voyons donc, des heures d'improvisation, ce serait oui. Je sais pas c'est quoi le record digest. De qui? Le record. Le record. Avez-vous le record collé, voilà? Non, le record Guinness. Oh, OK. De la plus longue improvisation. Moi, je veux pas le livre ici entre les doigts, sous les yeux et en dessous du nez. Mais admettons, c'est 3 minutes d'improvisation. Ben voyons donc, c'est pas dans le record. Ça, c'est le plus court. OK, non. Sans doute que le plus court, c'est 1 seconde. OK, vas-y. Ah! Ça, c'est de l'improvisation. Ça, c'est... Oh, monsieur. Alors, là, c'est un atelier d'improvisation, comme d'habitude. Mais nous allons relater l'histoire de quelqu'un de connu, mais on va dévoiler véritablement son histoire parce que, bien sûr, les biographes, là, je pense que ton micro est trop haut. Comme ça, il est beau. Ah, il est très beau. Moi, je dirais, là, il est à 40 cm cubes de ta circonférence buccale. Ah, mon dos! Et à 3 secondes de tes dents. OK, fait que si j'arrive trop fort, tu te pètes toutes les... Ah, mon Dieu, on va se les péter. Non, on se la pète. Mais donc, la biographie, c'est quelqu'un qui a connu, qui a vraiment existé, et nous allons vous dévoiler le dessous. Ah, mon Dieu, on aime ça voir ça, le dessous. Est-ce qu'il est propre? Ben, on va l'apprendre dans quelques secondes, j'espère. Si vous voulez le laver avant, s'il vous plaît, là, il est mort depuis combien de temps, là? 23-37, 1937. 37-2011, ça fait quoi, 37-2011? Ah, bon, ça fait trop de temps. Trop de temps. Il est en conserve, là. Non, il est sous vide. Il est sous vide. Ça tombe bien, tout le monde est sous vide actuellement. Ben oui, on est comme des scaphandres. Ah, mon Dieu. Alors, c'est Rockefeller, John David Rockefeller. Qui était ce monsieur? Ben, c'est... quand on dit riche comme Rockefeller... Non, c'est riche comme Croesus. Ben, voyons donc. C'est Croesus et bouche causeuse. Moi, ouais, mais c'est pas le temps. Hey, ça fait... On devait pas le dire, ça, c'est pas le temps. Au même titre que premièrement, là, il faut que j'enlève ça de mon vocabulaire, mais c'est difficile. Ah, mon Dieu, c'était rendu un tic nerveux. Hey, ajustez pas votre radio, c'est normal. Alors, John Davidson Rockefeller, il est né le 8 juillet 1839 et mort le 23 mai 1937 à l'âge de 1900. Moi, je dirais 97 ans, bravo. Tu sais bien lire, merci. C'est un industriel américain fondateur de la famille Rockefeller. Tu sais, la famille Rockefeller, ils en ont de l'argent, ils en ont de coller. Là. C'est dur à décoller, ils sont ensemble. Il en reste encore, oui, il en reste quelques-uns. Alors, William Rockefeller, il est considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps, quoique Céline Dion, hein. Ah, mon. Une colombe, elle fait des millions avec ça. Pourquoi ça fonctionne pas, mon succès musical? Ben, les gens ont l'oreille, c'est pour ça. Quoique Céline, il faut pas en avoir. On l'aime, Céline, on l'aime de loin, mais on l'aime. Bon, elle est à vendre également, là. Si vous voulez, on va commencer à 2 piastres, 2 piastres et demie, 3 piastres, qui... madame, OK, vous voulez que j'en enlève, OK, 50 cents. 20 cents, 15 cents, 10 cents, 0, on la donne. Vous la voulez pas? On vous la prête, on vous la prête. Ah, non, on vous la loue. On vous la loue pour une chanson. Non, elle chantera pas. Elle chantera même pas. Vous la verrez pas. Une photo, pas de photo. OK, on l'aura pas. Alors, Rockefeller, il est considéré, comme on l'a dit, le temps d'être 200 milliards de dollars américains en 2011. Considérer le bonhomme, là. On le considère, là, le bonhomme, Rockefeller, 200 milliards de dollars. C'est pour ça que c'est mon ami. Oh! Je parlerai pas de lui négativement. Oh, oh, oh! Quoique la concession, il n'y en a pas de concession. Il t'en donnera pas de beau, Titienne. OK. La famille a été la tête d'un empire durant près d'un siècle en créant la Standard Oil qui deviendra Esso. Comment? Esso. Et qui? Esso. Hey, ça va bien? Esso. Oui. Vous avez des soubresauts? Esso. OK. Alors, initial SO. Hey, ça, c'est au ExxonMobil. Mais là, en vérité, on tient à vous dire ce qu'il y en est. C'est que John Davidson Rockefeller était tout simplement Tijan Saint-Roch. Tijan Saint-Roch qui vient de la ville de Loretteville. Ça vient pas des États-Unis d'Amérique, ce monde-là, là, les riches de la pièce, les pièces de la feuille, les feuilles des gères, là. Ça vient de Loretteville. Puis là, il voulait se camoufler là-dessus. Il dit, voyons, donc je ferai pas d'argent avec Tijan Saint-Roch, mais là, déjà là, du rock, il n'y a pas grand argent à faire là-dessus. Quoique la musique rock, c'est payant, regarde-moi ça. Hey, Ozzy Osbourne. Ozzy, même lui, il allume plus. Les nostalgiques. Hey, c'est bon, Ozzy Osbourne. Ben oui, c'est bon. Fais dodo, là, fais dodo. Ce gars-là, mon petit frère, fais dodo. C'est bon, Ozzy. Ah, c'est bon, c'est bon. À 350 dans le four avec des petits oignons. Ah, oh, mon Dieu. Ça, c'est la recette miracle de faire révéler tout le monde. Ouais, mais là, faut pas les faire trop révéler. Au même titre. Hey, c'est bon, Van Hélène. Oh, mon Dieu. Ah ouais, Van Hélène. Vaseline. Ça colle, Vaseline. Alors, Tijan Saint-Roch était un petit, comme tous les autres petits. J'ai souvenir encore d'une vieille maison qui avait de la misère à faire la fanfaronne. Une maison. Fanfaronne maison? Oui, téléphone maison. Fanfaronne maison. Oh, man. Ça travaille fort, cette maison-là. Oui, comme disait, comment qu'il s'appelle? Hervé Desbois. Hervé Quetel. Non, c'est Yvan Desbois. Voyons là, le poète québécois, là. Hervé Desbois. Mon Dieu, c'est Bois. Hervé Desbois. Mon Dieu, j'ai la mémoire qui flanche, là. Ça va me revenir. Discutez entre vous, là, Mme Tremblay, M. Thibodeau, mon Ticu Baudouin. Ticu Baudouin, toi, fais l'arbitre là-dedans. Ça va se battre, je le sens, là. Urbain Desbois, ça m'est revenu. Merci, Saint-Esprit, priez pour moi. Urbain Desbois disait que ma maison travaille plus fort que moi. Je la comprends pas. Parce que moi, ma maison, elle est sous les arbres. Ma maison, sous les arbres. Cueillette de... Ah ben, une à une. Il n'y a pas de référence là-dedans. Hein? Vous connaissez pas ça, hein? Ah, c'est... Pour les gens qui connaissent, là, hein? Vous jubilez, hein? Ah oui, on essaye de s'intoniser. Ben oui, vous l'avez. Alors, Jean, Tijan... Parce qu'il voulait même pas se faire appeler Jean. Il n'a jamais voulu. Trouver ça condescendant. Ah non, c'est con tout court, mon Tijan. On va te garder Tijan et tu resteras Tijan jusqu'à Invitam Popperman. On l'a fait trois fois, Popperman. On l'aime, celle-là, Invitam Popperman. Ça vient de qui, cette insignifiance-là? C'est Renald Gagné. Oh! Alors, no de respect. Alors, Tijan Saint-Roch vient de la ville de Loretteville. Pourquoi Loretteville? Ben, parce qu'il est né là. OK. Pour des raisons? Pour des raisons familiales. Oh, parce que sa maman... Sa maman, son papa, son petit chien, sa petite chatte et surtout son petit poisson rouge. Parce que Ticu, comment, c'est pas Ticu, mais c'est Tijan Saint-Roch, était attaché à son poisson rouge. Ah, oh, mon Dieu, il l'avait même mis en sel. En sel, non, excusez-moi, pas en sel, mais il l'avait mis en quoi, en concession? Non, pas vraiment, là. Il l'avait attaché, voilà, tu sais, comme on fait aux oiseaux, là. Ah, ben oui, il l'avait en collier, on l'avait en collier. Et, qu'est-ce qu'il voulait dire, on sait pas. Hein, mais... Et puis, le poisson rouge, là, était tellement heureux dans son bocal, puis il souriait tout le temps. C'était un poisson rouge qui était souriant, il riait tout le temps. Un poisson rouge qui rit, ben oui. Pas parce que tu n'as jamais vu que ça n'existait pas. Ah, ben ça, là, c'est comme la truite. Ah, la truite souriante, hein? On la cherche, mais moi, j'en ai acheté trois sur eBay, puis c'est étrange. On dirait que c'est du plastique. Ben voyons! Parce que ça fait déjà 2 ans, je ne l'ai même pas mis dans, au froid, là, dans le refrigerator, puis ça sent pas, puis je me suis fait rouler. Ben voyons, roule-toi dessus, tu vas voir. Ben, c'est, parce que ça devrait être visqueux. Ben non, c'est si elle ne frétille pas, c'est qu'elle est morte. Oui, mais ça sent pas un poisson mort. Ben non. Ça n'a jamais senti, toi, là. Je sais pas comment, pourquoi tu dis ça, là. Ben, on m'a déjà dit ça, là. Ben voyons, on t'en compte, tes bobards, on t'en compte. On... Bonsoir! Comment ça va? You call it rap, and we do it well. My name is 35. My partner's name is 82. The ladies who wanna get down with us can tell. The only evidence is that we're reckoning. Cause there's respect to get. Escalate. Cause we're compelled. Excel is natural. Rolling in the soul is life. Travels at the speed of thoughts. Only places you know. You see, you feel, you hear, you go. You move, you stay, you run, you leave. You fight, you live, you hide, you die. You hurt, you climb. You think, you thought. You hunt, you scare. You test, you dare. You want, you got. You drive, you roll. You meet, you look. You watch, you shook. You taste, you bite. Die, you have, you lose, you chase, you draw the rapper, and we do it well. My name is 35. My partner's name is 82. The ladies who wanna get down with us can tell. The only evidence is that we're reckoning. Cause there's respect to get. It escalates. Cause we're compelled. Excel is natural. Rolling in the soul is life. Travels at the speed of thoughts. Only places you know. You might find people living in the spiritual form. You might even find yourself around the day you were born. The mind's an eighth day, so I postulated new guesses. Hope my energy could meet me where the sunset is. Meditated on my life before I took action and made a decision. Learned I'm chosen for a greater mission. You choose time for reference. I choose the soul's essence to fuse with. Don't change views with new hits. Here comes the circle. Run and find your place. It won't skip. Now you occupy every possible point. Don't trip and lose your place. What could ever make you lose your faith is gonna happen. You against yourself is true attraction and its purest existence. Extreme in a sense makes you choose another path like an electrified fence. If you could only see the future, then check if you made changes. Stop reliving days inside your past that weren't painless. Brains need rest like barren lands that are rainless. Under this cracked ground's population is nameless. But all the faces are vast and endless. Many will find struggle when turning from the temptress. When it's said and done, all your efforts may seem senseless. But time remains the master, you remain a princess. Time could flow free. The sun reflected off a grain to give me more to see. Today was long, but tomorrow's gonna be just the same. They tell me pray for a better one, but religion's a game. My spiritual could never be compromised by gaining clarity at the expense of undopened eyes. Has contemporarily been accepted as a survival excuse. Watch yesterday's falsehoods become truth. Breaking laws like promises, plus escaping the premises. Flawless sentences, complimenting the limitless. Asking what's the sense in this? Could we be avoiding the next day that's coming left wondering? What kind of gift is this? The bright lights from the dawn of understanding. Yesterday's waters ran fast through deep canyons, but who was chasing? A moment lost from no patience. Recovery from thinking made me wonder where the days went. I figured now would be the time for peace. They'll never silence my art or silence my speech. I always rock with an overtone of love shown like broken bone through the flesh. Yesterday's gone, today's next. As we see the sky, watch the sunlight spray. année ou au contraire, c'est difficile? Eh bien, comme je suis en développement, enfin, c'est-à-dire que je suis vraiment en train de tout... voilà, j'ai fait mon album voilà, et ma promotion. J'étais vraiment concentrée sur la partie studio, production. Maintenant, j'ai donc fait ce concert de lancement il y a quelques jours qui s'est très, très bien passé. Okay. Voilà. Et c'est un vrai kiff. Enfin, c'est un plaisir énorme de donner aux gens ce truc-là sur scène. C'est complètement différent. Et c'était combien de personnes? Oh, bah, il y avait, je sais pas, 120, 130 personnes, petite salle. Mais c'était un bateau, donc ça collait complètement avec le projet, tu vois. L'interaction avec les gens, pour moi, c'est fondamental. Et j'ai trouvé ça assez énorme. J'avais déjà fait un certain nombre de scènes, mais pas dans des conditions aussi chouettes que celle-là. Et je demande que à recommencer, mais vu que je fais quasiment toute seule pour le moment, chaque chose prend un petit peu de temps et j'essaie d'attirer des partenaires et il faut être patient. Mais est-ce que tu peux faire un spectacle guitare-voix Ouais, ce qui est bien avec les morceaux, c'est que comme c'est moi qui fais les arrangements et que c'est des... Finalement, que c'est très axé sur le texte, je peux faire des arrangements très différents. Et effectivement, il y a un certain nombre de chansons qui tiennent la route tout à fait en guitare-voix ou alors avec des orchestrations plus fournies derrière. Et donc, ça dépend un petit peu en fait des lieux, des budgets que les gens peuvent allouer parce qu'il faut bien payer aussi les musiciens. Ben, voilà, c'est tout un tas de... Donc oui, tout à fait, ouais, ça peut se tenir en guitare-voix. Et dans tes textes, tu veux amener quel propos? Qu'est-ce que tu veux que l'on retienne de ce que tu écris? Je sais pas si je saurais répondre à cette question exactement en ces termes-là. J'ai pas vraiment de demande de la part des autres, tu vois. C'est toi qui écris, donc... Oui, c'est moi qui écris, mais en fait, j'écris pour que les gens s'approprient complètement les textes. Du début jusqu'à la fin. J'aurais du mal à dire, si tu veux, j'ai des messages à faire passer. Pas plus que ça. J'ai envie de partager avec les gens un certain nombre de choses et il se trouve que c'est moi qui donne le là d'une certaine manière. Mais au fond, chacun entend ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut avec ses mots et tout ça. Et c'est ça qui me plaît vachement. Okay. Et je crois qu'il y a autant d'interprétations que de gens qui écoutent. Et je trouve ça génial parce que je crois que j'ai réussi ce truc-là. C'était super important pour moi de pas faire des textes fermés, tu vois, de dire ring ring, ouais, je me suis réveillée ce matin, j'ai mangé des pizzas, enfin, tu vois, un texte très fermé. Là, c'est voilà. Tu veux que les gens se retrouvent à travers ce que tu écris, ce que tu chantes, ce que tu nous donnes. Je veux qu'ils se retrouvent eux, ouais, okay. Exactement, et pas forcément moi. Okay. Mais forcément, je suis présente puisque c'est moi qui ai lancé le mouvement d'une certaine manière. Je propose et les gens disposent. Okay. Et c'est ça me plaît. Quoi. Et c'est ta vision et c'est cette façon-là que tu veux que tes prochains disques amènent, c'est-à-dire un horizon où le public va prendre ce que tu donnes, ce que tu proposes. Oui, c'est ça. Et il va prendre, dans le fond. Exactement. Ce sera à lui. Veux. Exactement. Et pour moi, ça, le projet serait réussi si ça se passe comme ça. Et dans le fond, est-ce que c'est... Parce que toi, tu composes la musique et les textes. Est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Ou si c'est la musique qui amène tout ça? C'est vraiment un aller-retour permanent entre ce qu'un accord peut me suggérer comme émotion, comme idée, et puis après je retourne aux mots, et puis du coup je modifie peut-être un petit peu l'accord, parce que tu vois, c'est un perpétuel comme ça, aller-retour, c'est un vrai bloc. Okay. C'est pour ça que ça m'a plu finalement de tout faire seul. Ça a des inconvénients, hein, mais du coup ça se tient. Et du coup, j'ai pu être complètement libre, justement, de ne pas me dire « bon, bah, j'ai cette musique imposée » ou alors « j'ai ce texte imposé par tel auteur ». Là, finalement, j'étais complètement libre de modifier au fur et à mesure mes trucs. Et puis... Avec tes excès de vitesse, si j'expurgeais ton agenda, il ne resterait plus que moi. Mais toi, tu revois sans complexe ces ex que j'exècre et tu me dis tout excité. Y a plus aucune ambiguïté. Mais je sais, je sais, je sais, je sais. C'est sexy. Je sais, je sais, je sais, je sais. sexe, sexe et sexy. Les ex, c'est comme un expresso, ça se boit vite, ça se boit chaud, c'est pas comme l'amour, impossible. Les ex, c'est toujours accessible. Seul ustensile, un bout de latex, un coup de fil et un duplex, y'a plus besoin de mode d'emploi. On a déjà fait ça X fois. La chanson n'est plus là. La chanson n'est plus là et ma voix non plus. Oh, c'est très triste pour les auditeurs. Au contraire, ils jubilent. Ah, mon Dieu. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. Oh, on aime ça les fils Ariane, oui. Il faut s'y pendre et s'y tenir sans tomber. Ouais, ça c'est complexité. Oh. Passagère, ouais, ben, jusqu'au moment où tu lâches la liane et tu te retrouves dans la misère. La misère la plus noire. Ah, on dit pas la misère la plus claire, hein? Non, c'est vrai, hein? Comment ça? Ben, c'est. Est-ce qu'on peut monter? On va monter un peu plus haut, un peu plus loin, je veux monter. C'est-tu assez monté, ça? Ah, oui, oui. Ça vient comme ça, hein? C'est des expressions qui. Comme un cri de mort. J'ai lâché un cri de mort. J'ai jamais entendu un mort crier, moi. J'ai déjà vu quelqu'un crier parce qu'il y avait un mort. Ah! Un mort qui devait pas être là, qui était couché. Oh! qui attendait qu'on vienne le cueillir. Oh, mon Dieu, comme les petites fraises des champs. Oui, monsieur. Et donc, la longueur... la longueur de quoi? Ben oui, parce qu'on a un fil Ariane narratif. Oh oui, c'est vrai! Oui, parce que là, tu parlais de mort, de cueillir. Oui, c'est vrai. Une longueur gronde sur le monde. Oh! Une longueur gronde sur le monde. C'est seul que je continue ma vie. ça n'a pas vraiment de lien, là. C'est pas ça. C'est, je suis venu au monde seul comme tout le monde. C'est comme ça que, à Dieu le Père, je pourrais répondre, c'est jamais moi qui a fait le bruit. Pour vous imaginer mon allure, pensez à octobre sous la pluie. Et pour l'image, pensez à octobre sous la pluie. Et pour l'ensemble de ma tournure au plus long des longs ormes gris. Comme on crie dans la délivrance, je suis rentré à Factory Coton. Alors, on peut-tu chanter celle-là? Ah non, Clémence n'aimera pas ça. Ben oui, c'est, premièrement, c'est Clémence Desrochers. Arrête de dire ça, premièrement. On le sait, t'es dans la première réflexion et ça va pas plus loin. Et c'est vrai, c'est un balbutiement d'idées. Oh! Je suis venu au monde seul, comme tout le monde. C'est seul que je continue ma vie. Oh, c'est Clémence qui va se mettre à rire. J'allais dire, mais non, dis-le pas. C'est moi, je demande à Dieu la paix, je pourrais répondre. C'est jamais moi qui a fait le bruit. Pour vous imaginer mon allure, pensez à octobre sur la pluie. Et pour l'ensemble de ma tournure au plus long des longs ormes gris. C'est beau, hein? Oui, c'est presque beau. Comme on crie dans la fleur de l'âge. Et ça, c'est un si bémol. Ah, mon doux. À s'y méprendre, hein? Ben oui, mais pour les gens qui connaissent la musique, ils ont touché la cible. Ils se sont dit, quel homme qui maîtrise la si bémol. Moi, là, même Jacqueline, qui est une soprano mineure, là, peut même pas atteindre l'octave de ton imaginaire. Ah, ben là. Merci, c'est très gentil de votre part. Non, c'est une insulte. Ah, ben merci de votre insulte la plus... êtes-vous là, monsieur? Hein? Oui! Bon! Vous attendez pour nous le dire, hein? Vous attendez pour nous le dire, monsieur? Ouais! Oui! Bon! On connaît déjà sa réplique, là. Ça peut être beaucoup. À l'orchestre. à l'orchestre symphonique, c'est presque ça. Mais c'est à... Comment t'appelles ça, donc, l'œuvre dramatique, là, au couloir de... Non. Arrête de dire non, mon négatif. Oui. Bon, OK. Au Conservatoire d'art dramatique, de Québec. Il y en a beaucoup d'artistes qui sortent de là. En pleurant, là. Ah, on m'a pas choisi. Ah, je ne suis pas l'homme de la situation. Je ne suis pas la femme actrice. Je ne deviendrai pas grande vedette. Attends un peu, là... Représente-toi. Normalement, c'est 3-4 fois. Moi, je suis rendu à 18, là. On me voit arriver. Ah, monsieur Gagné! Ouais, troisième rapport, là. Deuxième dossier, troisième rapport. Vous n'aviez pas de talent, mais continuez, monsieur, pas de talent. Peu de talent gagné. Non, c'est Rénal, pas de talent gagné. Rénal, pas de talent gagné, allez-y. Action! Oh, comme à la neige, à neiger. Monsieur Gagné, oui. Vous l'avez fait l'année dernière? Oui, je sais. Vous l'avez fait aussi il y a 2 ans? Oui, je sais. Vous l'avez fait il y a 3 ans? Oui. Depuis que vous rentrez ici, mon cher monsieur, on sait que vous allez dire « Ah, oh, comme à la neige, à neiger. » Non, mais c'est l'hiver. Ben oui, ben là, changez de sujet! Vous l'aimez pas, Nelly Gann? Ah, on l'aime, mais pas par vous. Ah, ben par qui? Par lui-même. Oh, mon Dieu, est-ce qu'il est présent? Oui, dans une petite carafe. Oh mon, dans une petite carafe. Ben oui, ben voyons, la photo est là. Oh, bravo. Vous l'avez... Ben oui, il nous a présenté son œuvre avant sa mort et puis on lui a dit qu'on allait garder un soubresaut de son talent. Un soubresaut de son talent, c'est pas... Oui, c'est très bien. C'est bien dit, M. Gagné, là, faites-vous-en pas. Nous, nous sommes dans le milieu de la connaissance, là. C'est vous qui divergez. Oh mon Dieu. J'ai déjà des difficultés avec 9 vergers, mais imaginez-vous 10 vergers. Ben oui, 10 vergers, ça l'enfons-nous dans le bois de quelle belle chose. Qu'est-ce que vous avez dit là? Vous connaissez pas les paroles, c'est pour ça que vous pouvez... Allô, vous êtes là? Oui! Bon, lui, il est là au moins, il est présent, puis il est fort sa gâchette. Une réplique? Ouais! Oui! C'est le succès de l'émission. C'est un homme qui va se donner pour son public. Allez-vous vous donner pour votre public, monsieur? Oui! Non, c'est une insignifiance comme ça. Là. Les gens ont besoin de ça. Un héros insignifiant, parce que ça représente bien ce qu'on veut atteindre dans la vie. C'est-à-dire quoi? Ben, l'incompréhension, le zénith, pour ne pas dire l'inaccessible étoile. Oh mon Dieu, le filant. Ah, ça file en aiguille. À temps filé, on la regarde passer et on tente de la maîtriser et on se retrouve sur le derrière. Ben oui, parce que hey, quand l'étoile file, puis tu veux la prendre avec tes deux mains d'homme, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive bien des choses, oui, comme quoi? Ben, comme ça, là, OK. Puis d'autres choses comme ça, là, OK. On fait ça, bon. C'est clair, hein? C'est clair, là. Bon, moi, oui, mais moi, je dis pas le contraire. Non, pas le contraire, là. Non, hey, fâchez-vous pas. Je suis pas fâché, mais je monte rapidement. Oh! Comme on peut dire dans le milieu, vous pompez. Je pompe, mais c'est pas de l'huile. Non, on n'a pas besoin d'huile ici, monsieur. On fonctionne au gaz. Ah, mon Dieu, il y a l'effet de serre. Oui, et ça nous serre le cou. Oh, pas juste le cou. On peut pas dire autre chose que le cou. OK, on dira pas. On va. Est-ce qu'on peut y réfléchir? Ben oui. Je sais qu'il y a des gens, quand on s'arrête, là, pour ne pas dire une phrase, eux-mêmes, ils se l'imaginent. C'est ça, l'intelligence, là. On est devant des gens très soucieux de ça, là. Hein? Ah non, ils sont déroutés. Ben oui, ils sont déroutés en enlevant l'île, là, petite croûte. Ah, peut-être pas encore sa croûte. Ben oui, sa croûte. Sur la banqueroute de la croûte. Ah, qu'est-ce qu'on fait sur la banqueroute de la croûte? On écueille. On écueille, oui. On écueille la croûte. Bon, hey, avant d'écouter la croûte, là, c'est une longueur gronde sur le monde. L'entendez-vous? Faudrait. Premièrement, est-ce que je peux porter l'oreille? Ben, porte l'oreille à ta tête, oui. Aux deux hémisphères, oui. Nord et sud. Et laissez l'ouest, ça. Ah, laisse-les tranquilles, ils n'ont pas besoin de toi. OK. Alors, oui, je vais. Ouais. Ça compte pas fort, hein? Ben, c'est normal. Pourquoi? Tu es à l'intérieur. OK, je dois sortir. Ben, si vous voulez, M. Gagné, sortir, ben, là, nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont sortir avec vous. Ben, êtes-vous certain? Très certain. On demanderait à tout le monde de mettre leurs bottes d'hiver. Ou des bas, mais doublés, parce que si on marche sur la neige, ça risque de... C'est comme ça que j'ai attrapé la rouguignole. La rouguignole? Ben oui, j'ai la rouguignole qui flotte, moi. Vous l'avez entendu? Ouais, c'est le nez, vous. Moi, c'est nasal. Rénal nasal. Ah, oh, enchanté, monsieur Naso. Non, nasal. Ah, ben, êtes-vous présent? Oh, à peine présent. À peine présent dans le futur. Oh! Et dans le passé, ah, ben là, dans le passé, je peux vous raconter une histoire, celui de Ticu Beaudoin qui se prenait pour la chèvre. Oh, mon Dieu. C'était le 31 décembre 2012. 2012? Parce que c'est pas encore passé. Ben oui, c'est passé pour lui. C'est passé pour lui parce qu'il avait mis son calendrier 2015. Et s'imaginer en 2012, 3 ans avant la péripétie. Oh, mon Dieu. Tant que c'est loufoque. Crains-moi pas. Quelque part en Alaska, il y a un fuck. Ah ouais, raconte l'histoire. Alors lui, il était devant son calendrier 2012, il dit on est en 2012. Hey, tu y changes 2013, il va s'imaginer en 2013. Tu mets le 17 juillet 2013, il va sortir en camisole. Là. Faut que tu lui saisisses l'esprit. Oh mon. Il est toujours tourné vers son calendrier. On est quel jour? Hey, regarde-le. On est quel jour? Hey, ça change pas, là. Ça fait 20 minutes que tu me le dis. On est là au mois de juillet. On est le 13 juillet 2012. Ben non, 2011. Ah ben voyons donc, c'est écrit 2012. Ben oui, mais change de calendrier, toi là. Oui, je mets ça imprime sur Internet. Ben oui, mais laisse faire Internet, ça t'influence. Oui. Ben non, c'est écrit sur Internet. Ben oui, mais on peut écrire n'importe quoi sur Internet. C'est écrit ici, là, noir sur blanc, sur papier gondolé. Surtout gondolé, c'est ça qu'il faut retenir, le mot gondolé. Gondolé dans le sens de gondole. Oh mon Dieu, comme en Italie, oui. Mais là, faut pas... non, on reste avec l'histoire du gondolage, OK. Alors, c'est écrit sur du papier gondolé, noir sur blanc. Errance Rénaldienne, la meilleure émission en ville. Mais là, quelle ville? On le sait pas, là. Peut-être la ville d'une rue. Ben voyons donc, quand c'est une rue, c'est pas une ville. Ben voyons, il y a des noms de villes tellement petites que ça porte le nom de la rue. Comme Sept-Îles. Sept-Îles, c'est une rue. La rue Sept-Îles. La rue Sept-Îles à Sept-Îles. Oh, la rue Port-Cartier. À Port-Cartier. La rue Shawinigan. À Shawinigan. La rue Victoria. À Victoria. Victoria. C'est pas une ville, Victoria, là? Peut-être. Depuis maintenant, là, on va... Puis lui, il est toujours sur son calendrier, parce que sur Internet, tout est écrit sur Internet. Donc, c'est vrai. La vérité, c'est écrit. Bon. Hey, c'est épouvantable, là-dessus, là. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, monsieur. Ben voyons, on m'a pas compté de bobards. Ben oui, on vous en compte des bobards, puis vous y croyez. Ben oui, si c'est écrit, c'est vrai. Bon. OK. Hey, tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut... Attends. On peut-tu retourner avec celle-là? Ben oui, on peut faire ce qu'on veut. Si on peut. Si on peut, on veut. Puis si on veut pas, on peut quand même. Alors, si vous voulez danser pour me faire plaisir, juste pour me faire plaisir, juste pour moi, s'il vous plaît, madame, mademoiselle, messieurs. Enlever, ça je le fais souvent, je sais, c'est redondant. Oui, c'est une émission très redondante, mais très signifiante dans son insignifiance. Alors, retirez, pas votre mari, madame Tremblay, là, quoi qu'elle, il est déjà bien tiré vers les toilettes. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Ah, mon Dieu, moi j'avais dit, hein, tombe pas dans le punch, il est tombé, il s'est pas nagé, il s'est noyé dans le punch. Mais comme c'est un Russe, ah, mon Dieu, il connaît la vodka. Mais, oui, trop la vodka, il nage. Imagine-toi donc que quand il plonge dans le punch, oui, il boit juste la vodka, il reste tout le jus de fruits, toutes les petites cerises, toute la glace reste là, mais la vodka est aspirée. Mais non, voyons donc. C'est un mélange, ça, là. Quand tu mélanges, on peut pas... Mais non, lui, il peut distinguer le jus naturel à la vodka, à la glace, à la cerise, puis... Quoique, je peux te dire, moi, je suis son épouse. Oui, il connaît la cerise. Bon, c'est très bien pour vous. Merci beaucoup. Mais c'est ça, il divise tout ça, lui, puis c'est comme un comment t'appelles ça, donc, un gyrophare. Oh, mon Dieu. On a parlé en début d'émission, un GPS de la connaissance volcanesque. Vas-y, il marche. Bon, OK. Alors, j'aimerais que... Oui, c'est pour mon ami Annie Cordy. Ça va très bien, faites-vous-en pas, là. Si vous retirez tout votre environnement pour avoir une place pour danser un peu, vous zizillez les bras, c'est très facile. C'est-à-dire que vous prenez un espace de bras, étirez-vous les bras, pour savoir si vous allez frapper votre prochain ou un mur ou un bibelot. Faudrait pas, surtout si c'est un bibelot que vous avez reçu en cadeau. Là. Faudrait pas briser votre cadeau. Quoique, si vous l'haïssez, rapprochez-le pour le casser. C'est moyen. Vous direz, hey, c'est Rancerain Nadia, c'est le gars. Non, c'est Adieu 2011, Salut 2012. C'est lui qui nous a dit de casser le bibelot, là. Rita Bibelot, oui. Vous aimez les bibelots? Oh, pas vraiment, moi. Là, j'en ai poussé toute mon existence. J'en ai poussé. Et puis, ben oui, j'ai tiré des poussettes, puis à la fin de ma vie, j'ai poussé. Bon, puis là, êtes-vous heureuse? Oh, je suis très heureuse dans mon malheur. Bon, ben comme ben des Québécois, t'es heureuse dans ton malheur. C'est bravo, bravo, on l'applaudit. Bravo, heureuse dans son malheur. On arrête ça ici? Là, oui. Là, c'est Annie Cordy qui se sautille les pieds. Madame Cordy, attendez, là, dans le studio en arrière, elle a chaud. Parce qu'on a mis... Elle aime bien le côté tropical, hein, de la vie. Donc, on lui a mis le thermostat au maximum. Il fait chaud dans le studio d'à côté. Même les vitres commencent à fondre. Là. Ben, pour des vitres qui fondent, là, ça demande quand même beaucoup de dosage. Ben oui, mais on va doser. Ben, on a dosé vers la chaleur universelle. OK. Alors, est-ce qu'elle voudrait, là, c'est que tout le monde puisse danser? Si vous avez des voisins en bas, là, allez frapper à leur porte. Dites, montez en haut parce que ça va se passer là. Si vous avez des gens qui sont déprimés, appelez-les là, maintenant. Là. Appelez-les. Dites-leur de syntoniser le 89.1. On va attendre. On peut attendre, hein, madame? Ah, on a le temps d'attendre. OK, on a le temps d'attendre. Quelle importance le temps. Elle ne se souvient même pas du numéro de téléphone. Elle là, ça va être long. Elle regarde dans son papyrus. Mais non, c'est pas papyrus, c'est un agenda. Son agenda. On va la laisser aller. Quelle importance. Puis pour les autres, là, si vous voulez enlever tous les meubles là, pour vous laisser exprimer votre corps. Laissez exprimer votre corps. Il a des choses à nous dire, ce corps-là. Filmez-vous puis mettez ça sur YouTube. Là. On veut voir, suite à mon émission, quels individus se sont... quel individu? Quel individu a pu s'exprimer la plus librement possible? Oh mon Dieu! C'est vrai, ça c'est comme la danse contemporaine. Oui, effectivement, madame, c'est la danse contemporaine à 21h54. OK, alors êtes-vous prêts? On est prêts! OK, avez-vous appelé votre nom? OK, mais pendant la chanson, OK? Alice! Pas Alice, mais... Ah non, c'est pas Alice. Alice, on peut pas parce qu'on l'a appelée puis elle a pas de numéro au numéro qu'on compose. Mais Annie Cordy, elle veut. Elle veut et elle peut. Have you heard the story of a little country boy? He is always happy and full of joy. Nothing in this world that he's thinking of. All he really cares for is the one he loves. And the moon above, stars above, heaven above, that is all he's thinking of. Now you've heard my story, darling, can't you see? That little country boy happens to be me. ¶¶ you heard the story of the little country boy? He is always happy and full of joy. Nothing in this world that he's thinking of. All he really cares for is the one he loves. And the moon above, the stars above, heaven above, that is all he's thinking of. Now you've heard my story, darling, can't you see? That little country boy happens to be me. Je pense au final est cohérent. Alors c'est toi dans le, fondamentalement qui compose, qui met en scène et qui propose le disque. C'est toi entièrement, c'est vraiment ta Ben, je pense, ouais, je pense que c'est moi et puis tous ceux qui y participent, encore une fois. Oui, mais que toi t'as greffé à ton projet. Donc c'est un projet très personnel auquel tu as greffé des gens qui ont donné un oui, sens. Je pense, ouais. Mais sans que ce soit, comment dire, une vision très, très égocentrique, quoi. Est-ce que cet album-là a pris du temps? Est-ce que tu as travaillé fort? Est-ce que c'est depuis longtemps que tu prépares cet album-là? Oui, ben, ça prend un petit peu de temps, parce que quand on n'a pas, quand on n'est pas signé chez Pascal Nègre, forcément... Et qu'on n'est pas connu et reconnu. Ouais. Voilà. Donc, ça m'a pris du temps, mais... Du coup, j'ai eu le temps de le mûrir. Je pense qu'au final, c'est plutôt plus positif que négatif. Et j'ai voulu prendre le temps aussi pour le faire de manière complètement professionnelle. C'est-à-dire de vraiment de prendre les meilleurs studios, de prendre les meilleurs ingénieurs du son. Okay, pour donner quelque chose. Pour que vraiment je ne fasse pas les choses à moitié. Ça aurait été dommage. Donc du coup, ça m'a pris effectivement un peu plus de temps puisqu'il fallait travailler à côté pour plus de coûts, plus d'argent. Et du coup aussi plus de musiciens, donc voilà, le temps que tout le monde soit dispo et que ceci et que cela. Finalement les semaines passent et... Bon, mais chacun pouvait faire sa partition. Bien sûr, bien sûr, ouais. Mais du coup voilà, ça m'a pris du temps, peut-être 2 ans. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Ouais, voilà, normal. Mais pour moi, enfin, tu vois, le c'était truc, long. Quand tu te dis, oh, 2 ans, oui. Parce que t'avais hâte de le voir. Exact. Et puis tu te dis, de toute façon, c'est un peu inconscient de faire de la musique. Tout le monde te répète ça en permanence au fur et à mesure où tu bosses. Toi, t'es là, tu dis, allez, courage. Je tiens, c'est comme ça que je le vois. Est-ce qu'il y a des gens qui croyaient en ce que tu faisais, donc, qui te motivaient? Très, très, très peu. Mais c'est normal, entre les gens, tu sais, qui ont peur que tu sois déçu, entre les gens, voilà, c'est pas forcément que des mauvaises intentions de la part des gens. Mais de manière générale, honnêtement, la plupart des gens te déconseillent fortement de continuer. Parce que si tu sais, on leur dit, bien sûr. Et oui, de toute façon, il n'y a plus d'argent dans la musique. Enfin bon, pour gagner ta vie, il faut vraiment. Certes, mais enfin bon, il y a plein d'autres activités où c'est la même chose. Donc. Et puis tu peux toujours te dire, tiens, les autres, mais il y en a qui, pourquoi pas moi. Ah oui. Bon, tu vois, sans être ni arrogant, en tout, tu peux très bien te dire, moi j'y vais quand même, j'essaye, je teste jusqu'au bout. As-tu plusieurs spectacles en vue ou ça s'installe tranquillement? Parce que là, c'est la promotion de l'album. Là, c'est la promotion de l'album. J'ai d'autres d'autres dates prévues, mais pas confirmées. Donc voilà, je suis sur le coup, comme on dit. Ouais. Et puis là, la période des festivals, évidemment, pour cette année, c'est ce qui est normal. Donc je vais vraiment tout mettre en place à la rentrée pour pouvoir organiser tout ça à partir de la fin de l'année, quoi. Est-ce que tu as des chansons que tu vas proposer qui se retrouvent pas sur cet album-là? Oui, j'en ai quelques-unes en stock qui sont pas forcément finies entre guillemets. Okay, okay. C'est fini dans le sens. Au sens masterisé, enfin, tu vois, mixé, masterisé, etc. Le point final a été fait. Ouais, il y a des... Et que j'aimerais bien, justement, faire découvrir au compte-gouttes. Et de faire vivre sur scène avant de faire bien vivre sûr. Sur l'album. Parce bien sûr, là, exactement. Ce qu'on a ici, c'est une œuvre qui a mûri, mais en studio. Tandis que prochains, tu vas faire un spectacle avec tes chansons que l'on exactement. Trouve sur l'album, mais avec des nouvelles qui vont... vivre d'elle-même et qu'on se retrouve peut-être avec un changement. Mais absolument, de toute façon, c'est jamais la même chose. Et puis là, il y a un accordéon, par exemple, sur scène, alors qu'il n'y en a pas dans l'album. Un accordéon, c'est si tu as voulu un accordéon, tu aimes cet instrument-là? Oui, j'aime cet instrument. Le côté nostalgique, hein? Oui, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que pour les arrangements sur scène, c'est vraiment un instrument hyper riche qui te permet de faire des accords en même temps, des solos, en même temps, enfin, tu vois, qui te permet vraiment de... Exactement. Donc, c'est génial. Sur scène, c'est super. Found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still. But all of the vows you made were never to be. Though we're apart, you caught on me still. Love sweet melody, but all of the vows you made were only to be. Though we're apart, you thought of me still. Rénal, je t'aime, Lérance Ramaldienne non plus. Sur CKRL 89.1 à Québec. Ghetto boy. Ghetto boy. Ghetto boy. What you gonna do down in the ghetto boy? Bitch, your motherfucker. Okay, man, crank that shit. Yeah, have you had radio, man? Ghetto boy. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto, in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto, in the ghetto, in the ghetto. Oh, people, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Here we go, here we go, here we go. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and the world turns, and the world turns, and a hungry little boy with a running nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. In the ghetto, in the ghetto, in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. In the ghetto, in the ghetto, in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries. As a crowd gathers on, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. In the ghetto, in the ghetto, in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. In the ghetto, in the ghetto, in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Here we go, here we go, here we go. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Oh, excuse me, man. Can we get funky? And here's a mama cry. And his mama cry. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. In the ghetto, in the ghetto, in the ghetto. And here's a mama cry. What you gonna do down in the ghetto? Oui, monsieur. Et ça, c'est de l'escargot, hein? C'est de l'escargot sifflant, comme le serpent. Deux grands serpents s'en vont sifflant. Ah ouais, ma petite jument. Ouais. Cette semaine, ouais. Les serpents s'en vont sonnant. Ah ouais, donc. Ding dong! Ah non, pas les témoins de Giro, là. Non, c'est des serpents s'en vont sonnant. Ah, réponds pas. Comment ça? Ils vont te piquer. Ben, ça pique pas, les serpents? Non, ça mord. Cette semaine, ça mord, ça mord, ça mord. Cette. On le sait. Merci, madame. Vous vous êtes confiée? Oui. Ça vous fait du bien? Non. OK. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, non, ça fonctionne pas toujours, ça. C'est pas parce qu'on se confie que ça fait du bien. Ah non, mais dans mon cas, ça fait pas très beaucoup d'amélioration. Comment? D'amélioration! D'amélioration? Rotion. Rotion. J'ai été rotionné dans ma vie, moi, là, jusqu'à l'âge de 19 ans. Oh! Mon père me disait, mange pas tout mon profit. Et puis? J'en profitais pour manger tout son profit. Et puis? Et puis, il travaillait. Oui. Il est mort au travail. Et depuis 7 ans, je mange mon profit. Oh, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Cette semaine, c'est beau comme histoire. Mais merci, j'ai voulu proposer mon histoire à des chaînes de télé. Oui. Mais la télé n'était pas intéressée. Pourquoi? Parce que ça, je sais pas, c'était trop singulier. Oh, c'est, normalement, ça intéresse le... Ouais, mais pas eux. En fait, j'ai... Ouais, mais à quelle station? Ben, c'est ça que j'allais vous dire, là. Me demander? Non, vous dire. Ben, vous alliez dire me demander. Non, non! J'allais dire vous dire. Ben, dites-moi. Je vais vous le divulguer à cet instant. Ouais, allez-y. Merci, monsieur. Et puis? Eh bien, attendez, là, laisse-moi ramener tout mon profit intellectuel. Il y a un profit intellectuel chez vous. J'espère. J'espère pour qui? Pour moi. OK, allez-y. Merci beaucoup. Mais à chaque fois que vous me dites ça, ça m'énerve. OK. Je suis comme surexcité. Alors? Alors, ben c'est ça. On traîne nos carapaces sous les chemins de traverse. Nos fantaisies passent quand vos chiens tergiversent. On est toutes les frontières, toutes les bornes à dépasser. Flanqué de quelques frères, on peut tout inverser. On perd pas la face, on perd pas notre temps. On est pile en face si tu nous cherches dedans. On est la case déphasée, ceux qui ont pas le profil, la face cachée du côté pied. Et on avance, on avance. On avance, on avance. À contre-temps. On avance, borderline. Peut-être, mais toujours vivant. Et on avance, on avance, borderline. On avance, on avance, à contre-temps. On avance, on avance, au bord des larmes. Peut-être, mais toujours devant. Et on est le geste de trop, le mot qui étrange, les improbables maestros au détour qui dérange. On se met pas à table, on est soumis de vin, quand on soulève les fables contre les souverains. Et on est des chiens des combres, on flaire le cafard, on officie dans l'ombre pour mieux bâtir nos phares. On est la casse des phases et ceux qui ont pas le profil, la face cachée du côté pile. Mais on avance, On s'emballe sur les routes, on boit chez les maquisards, on fait l'amour toutes, on embrasse le hasard. On est au bord du gouffre, pourtant c'est eux qui sombrent. C'est comme ça quand ils souffrent de n'être que des nombres. Et on dérapera souvent, on pleurera parfois, on caressera le vent et on repartira. On est la case des phases et ceux qui ont pas le profil, la face cachée du côté pile. Mais on avance, borderline. On avance au bord du temps. Et on avance à contre-larme et toujours devant. Exactement, c'est Clarisse Catarino là, qui m'a une femme en plus, donc c'est bien parce que c'est à la limite, c'est pas si courant que ça, enfin, tu vois, c'est une autre présence féminine, c'est bien sur scène. Celle qui est très populaire, là, qui a peut-être 70-75 ans, là, oui. Qui a les cheveux roux, pas trop réussis. Oui, mais le nom, mais je vois. Un peu quand même, elle sourit tout le temps. Ouais. Je me souviens plus son nom. Mais est-ce que tu te considères comme une féministe? Non? Je vais perdre la moitié de mon public. Non, franchement, non. Non, ok. Non, je... Non, la réponse est non. Vraiment, j'ai pas de... Toujours un peu de mal à comprendre ce discours. Ça m'atteint pas. Je suis souvent pas d'accord. Ouais, moi, j'ai pas de problème. J'accepte les différences. Enfin, je trouve que c'est une... Ça tient pas le discours de dire mais on est pareil, on est machin, on est ceci. Enfin, on constate quand même depuis des millénaires qu'il y a un certain nombre de différences. Prenons-les en compte et essayons de vivre ensemble et de faire en sorte que ce soit équilibré, plutôt que d'essayer d'effacer des différences qui sont pour moi ineffaçables. Quoi. C'est un peu ça. À l'origine, un homme est un homme, une femme est une femme. Ben voilà, et puis je vois pas où est le problème. Ouais. Tu vis bien avec ça? Ah oui, complètement. Sur l'album, quelle chanson que tu adores plus que les autres, que sur scène, que tu sais que ça va te faire plaisir de reprendre? C'est compliqué. Ouais, il n'y a pas de chouchou. Oh, un chouchou. Si, je dirais bien un titre qui s'appelle Dites-vous, avec une boucle de violoncelle qui tourne derrière un peu à la manière de Bach, enfin un truc un peu bizarre, okay. Très courte, et où le texte est assez obscur, même pour moi. Et donc à chaque fois que je l'écoute, je comprends quelque chose de différent. C'est métaphorique. Ouais. Un peu à la Bachou. C'est un beau, une belle comparaison. Mais métaphore Bachou, pour moi, c'est... Ouais, c'est possible. Puis même toi, ça... Ça te dépasse. C'est un peu ça. Et ça me plaît bien. Okay. Ça me plaît bien parce que chaque fois que je la chante, j'ai l'impression que c'est nouveau. C'est ça, tu l'as pondu et tu te dis... J'ai fait ça, exactement. C'est un peu ça que je ressens. Chaque fois que tu la réécoutes, tu comprends autre chose. Et ça vient de toi. Alors, donc tu aimes les clés parce que ça ouvre plusieurs tiroirs. Exactement. Ouais, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture, plusieurs... Éventuellement, tu aimerais que les autres chansons ressemblent un peu à ça, métaphorique, pour laisser les gens comprendre. Ouais, mais j'ai... Et réciter aussi autrement. Il y en a qui sont plus clairs que d'autres, mais toutes, de manière générale, sont sur ce mode-là. Alors, un album que je peux écouter à cet âge-ci et plus tard, le 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, et je vais comprendre autre chose. Exactement. Que... Mais je trouve que c'est une manière de faire durer une œuvre. Oui. Mais quoi, tu peux réécouter ça 15 ans après, ça n'a pas finalement vie, puisque de toute façon, tu l'adaptes au fur et à mesure en fonction de tes propres expériences, de ta vie, de ce que tu vécu, de ce que on ressent aujourd'hui. Là. Ouais. Parce que la chanson ça modifie aussi hein, avec les années. Exactement. Et habites-tu Paris? Et tu es présentement parisien? Alors j'habite Paris, juste à côté là, de l'autre côté du périph. Ok. Et j'y suis depuis 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Est-ce que tu trouves difficile, parce que tu étais en province, tu habitais en province, de venir vivre à Paris aussi pour une chanteuse, c'est obligatoire de se retrouver ici? Ben, c'est pas tellement pour une chanteuse, mais pour quelqu'un qui produit un disque ou la plupart des studios. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Effectivement, c'était plus simple d'y être. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris,